Presque 17h08 sur France Inter. Si tu écoutes, j'annule tout. Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. Bonjour. Marie-Gaëtan, bonjour. Qu'avez-vous annulé pour nous écouter? Mais moi, j'annule carrément la cérémonie du Panthéon. Écoutez, alors là, j'y vais complètement. Nous avons laissé un écran allumé dans le studio et je peux vous dire qu'ils n'ont pas suivi votre conseil. Mais c'est pas grave, nous on continue. Écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Salut les amis. Salut Charlie. Dis donc, c'est à cette heure-ci que t'arrives, toi? Oui, c'est l'émission avec Jean-Pierre Coff. Moi, j'ai déjà tous les sujets. Ah bon, hein, d'accord. Voilà, parce que nous, on avait justement préparé pas mal. Non, tais-toi. Ah bah, super, enfin, mais allez, dites-moi. Non, mais c'est bien, tes sujets, ils vont être bien. On va prendre les tiens. Mais dites-moi les vôtres, on sait jamais. Non, enfin, voilà, parce que c'est gênant. Oh, allez, soyez pas timide. Si vous avez travaillé, c'est bien Charlie. Non, chef. Voilà, et en plus, on a eu. Donc, en fait, vous n'avez rien fait, quoi. Ouais, on a rien fait. Quand vous dites j'ai les thèmes, vous êtes dit, si on le dit qu'on a les thèmes, elle va le croire. On va croire qu'elle a travaillé. Non, c'est lui qui dit ça. Parce que moi, je comptais te le dire, Charline. Très bien, Guillaume. Enfin, tu n'as pas travaillé non plus, quoi. J'ai pas travaillé, mais moi, je voulais le dire. Oui, mais quand même, je voulais le dire. Oui, mais c'est ça. Mais pour votre peine, vous allez chercher à déjeuner pour toute l'équipe. D'accord, Charline. Allez hop, au Lidl du coin. Ah non, c'est de la merde. C'est de la merde. Comment on peut manger du truc sous vide? Oui, ça va, Guillaume. On a compris. Merci. Oui, ça va. Il y a le Aldi. Ah non, le Aldi, c'est encore pire. C'est de la merde. Les produits sont pas frais. Oui, ça va. Merci, Alex, on l'a compris, merci. Bon, il reste Leader Price. Hein. Leader Price, d'accord. C'est Jean-Pierre Coff qui fait la pub, là. Allons-y, alors là, allons-y. Bon, on vous attend. Hein. Okay. Ouais. On peut juste avoir les sujets que tu as choisis. Comme ça, on réfléchit sur le chemin, c'est bien. Ah, parce que vous travaillez maintenant. Oui, mais figurez-vous, les sujets, c'est le CSA, les tickets de théâtre et Stallone qui peint. D'accord. Alors là, c'est pile les sujets qu'on aurait choisis. Ouais, c'est vrai. Foutez-moi le camp. Mais n'oubliez pas le déjeuner. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité comme un rôti. Et voici les trois informations qui vont finir en tranche jusqu'à 18h. Le CSA connaît quelques ratés, pas de panique, il existe une solution. Créer un conseil de surveillance du CSA. Parce qu'en ce moment, il se passe de drôles de trucs aux réunions des sages. Bien sûr qu'avec les magouilles, on en a plein les fouilles. Un ticket acheté en plus, mais offert à un amateur de théâtre désargenté. C'est le ticket suspendu qui arrive chez nous dans quelques théâtres et musées. Après, il n'y a plus qu'à faire la file comme à la sécu. Je répète, numéro 27, guichet 2. Ah, ça doit être à nous. Mais non, j'ai regardé, on a le 123. Sylvester Stallone expose au musée d'art moderne de Nice. Comment ces croûtes sont-elles entrées dans cet important musée? Il a suffi d'un petit entretien entre Stallone et monsieur le maire de Nice, Christian Estrosi. Pourquoi t'es venu me chercher? J'ai mon plan. J'ai envie que tu redeviennes toi-même. Vas-y, tu m'intéresses. C'est toi qui m'intéresses. Et pour cuisiner ces trois informations et ce pâté autour des croûtes, pâté en croûte de Sylvester Stallone, je suis accompagnée du cordon bleu de la blague, Alex Vizorek. Mais bonjour, Charline Vanhoenacker, votre tablier vous va très bien. Et aujourd'hui, autour de la table, que des bons produits. À 17h20, lui, c'est un fruit du soleil. C'est ce genre de fruit exotique dont on ne connaît pas bien le nom. Et il ne vous le reprochera pas, puisque lui aussi, lorsqu'il cite des auteurs, parfois, il ne connaît pas leur nom. C'est André Manoukian, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi va-t-on parler? Elle s'appelle Maria Gadu. C'est une chanteuse brésilienne, mais qui produit une pop un petit peu rock'n'roll qui s'éloigne du Brésil. Et je vais faire une petite analyse sur les voix de la Méditerranée qui sont particulières, qui ont un timbre un peu grave. Et je vais même aller chercher du côté de Marine Le Pen. Comment elle s'appelle? Maria Gadu. Ah, la Gadu. Ah, 17h30, oui, j'avais envie de la faire. Oui, ne vous privez pas, ça aurait été dommage. Je sentais. Un piment très corsé. Quand on le voit, on se dit que tout va bien se passer. Et sa réputation est sans doute surfaite. Et puis on le croque et c'est trop tard. On finit en pleurs. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Vous avez ennuyé qui? Alors moi, je me suis rendu ce matin à l'Assemblée nationale, car Benoît Hamon a déposé un amendement sur le burn-out, figurez-vous. Il veut le faire reconnaître comme maladie professionnelle. Mais Éric Woerth, il n'est pas d'accord. C'est pas une colonie de vacances, le monde professionnel. Et non, et la prison non plus, fais gaffe à toi, Eric. Et à 17h40, alors elle, c'est un artichaut de la pire espèce. Je passe un temps et une énergie considérable à essayer de les feuiller. Et quand j'arrive au cœur, je constate qu'il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. C'est Clara Dupont-Mono. Mais ce sont des artichauts transgéniques. Parce que normalement, il y a un cœur, je vous signale. Oui, je le cherche chez vous. Alors que la FCPE vient de débarquer son président ce week-end, on va faire un focus sur les scènes de ménage en littérature. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un référent de la République. Vous êtes né sous Albert Lebrun. Vous ouvrez votre premier restaurant en 75 quand Gottlieb crée Fluide Glacial. Vous devenez meneur de revue à l'Alcazar en 85. On a découvert ça, nous. C'est l'année de naissance de M. Pokora, le chanteur. Enfin, tout est relatif. Vous devenez chroniqueur chez Michel Drucker en 2003 quand Florent Pagny contribue au débat philosophique avec Ma liberté de penser. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire. Jean-Pierre Coq. Oui. Bienvenue. Ah, mais voilà, c'est lui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Jean-Pierre Coff, vous publiez chez Stock Une vie de Coff, qui est votre autobiographie. Une vie foisonnante. Donc on a découvert que vous aviez été meneur de revue à l'Alcazar. Voilà, ça fait partie des surprises, en tout cas pour nous, du livre. Oui, parce que vous arrivez de loin, vous ne savez pas tout, mais oui, ça m'est arrivé. C'est parce que j'ai fait de mieux. Il y avait des plumes, il y avait... Ah non, mais c'est pour ça que j'y suis allé. Moi, j'ai un rêve de revues, les revues comme celle de Joséphine Baker, comme celle... La banane. Ah, non, mais j'aime ça, moi, les escaliers, la plume, les trucs. Mais Joséphine Baker était une star. Vous êtes trop jeune, tous autant que vous n'avez pas vu ça. On la situe quand même. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. À l'Olympia, c'était une femme qui descendait 25 marches. Elle tirait les applaudissements de face, au jardin, à la cour, à toutes les marches. Je ne sais pas si vous imaginez, une descente d'escalier qui fait une demi-heure avec un triomphe absolu, ouais. C'est extraordinaire. C'était une showwoman extraordinaire. Joséphine Baker, qui aurait pu entrer au Panthéon d'ailleurs. Elle était dans les noms qui circulaient au moment où François Hollande a fait son choix. Elle a fait de la résistance, dit-on. Voilà. Alors, votre livre commence très fort parce que vous dites que... Alors, votre père est mort en 40. Vous dites, si mon père n'avait pas été tué à la guerre quand j'avais 2 ans, j'aurais été coiffeur à Lunéville. Et finalement, la mort de votre père a été, vous osez dire, a été une chance. Finalement, alors ça c'est... Alors, c'est quand même très fort pour commencer l'ouvrage. Et c'est le déclencheur et vous racontez votre vie à partir de ce moment-là. Vous auriez pu rester coiffeur à Lunéville. Ben oui, parce que il était coiffeur, lui, j'y peux rien. Et on m'a dit, ma mère notamment m'a dit que son rêve, c'était que je reprenne le salon de coiffure. Vous imaginez que s'il n'y avait pas eu la guerre et qu'il n'ait pas été tué, mais je serais coiffeur, probablement. Enfin, j'aurais pris ma retraite de coiffeur, bien sûr, mais j'aurais été coiffeur pendant toute ma vie. C'est-à-dire que je me serais fait chier toute ma vie, puisque je n'avais aucune envie de ça, je n'en ai jamais eu aucune envie. D'ailleurs, vous voyez que je ne suis pas un client pour le moment et depuis très longtemps, parce que je suis chauve depuis l'âge de 19 ans, donc vous voyez que ça fait un moment que je n'utilise pas de peigne ni rien de tout ça. Une serviette ou une éponge me conviennent suffisamment. Et alors, c'est pas aussi le truchement de vos restaurants, quand vous avez ouvert des restaurants, que votre vie a pris des coups d'accélérateur dans le bon sens ou le mauvais sens, parce que vous avez connu notamment une faillite. Deux faillites, et puis aussi, ça vous a ouvert les portes de la télévision. Donc c'est vraiment l'ouverture des restaurants qui vous a fait côtoyer des gens qui ont donné des coups d'accélérateur ou de frein à votre vie, à son Alors, histoire. Alors, je ne voudrais pas qu'en écoutant vos propos, vos auditeurs s'imaginent, notamment s'ils sont restaurateurs, que s'ils se mettent à faire faillite, ils vont faire de la télé. C'est pas la conséquence c'était de l'un n'est pas c'était l'autre. C'était ma sous-question. Mais oui, effectivement, j'ai eu un restaurant après ma deuxième faillite, donc de mon grand restaurant, quand j'ai monté chez Modeste, les gens de Canal, c'est-à-dire des créateurs de Canal... Comme Denisot qui a poussé la porte de votre resto, par exemple. Enfin, c'était Burga, Lescure, il y avait effectivement Michel, et puis 2-3 autres personnes sont venus déjeuner, enfin ils venaient régulièrement dîner chez moi. Et un jour, ils m'ont demandé si je voulais faire de la télé, ce qui m'amusait pas du tout, parce que je voyais pas ça d'un œil bien intéressant. Et finalement, mon regard sur la télé a pas tellement changé. C'est une vraie vacuité. Enfin, pour moi, c'est de la... Les télécrochets, par exemple. C'est de la culture moléculaire. Oui. Ah, c'est tout à fait de la culture moléculaire. C'est-à-dire qu'on croit qu'on parle du fond, alors qu'en réalité, on n'a strictement que de la fumée, du gaz, des trucs comme ça, vaporeux. Et quand on les enlève, on s'aperçoit qu'il y a un trou et qu'il n'y a rien du tout, que c'est le vide absolu. Vous confirmez, Manouki ? Vous rigolez. En même temps, El Bouli, c'est un grand créateur. Si seulement, j'allais dire, je regrette presque que ce ne soit pas complètement vrai, parce que pour moi, la culture moléculaire, c'est un vrai, c'est un vrai boulot. Ouh là là, je suis en train de manquer. La cuisine moléculaire. Bah oui, il fait deux morts, déjà. C'est plutôt pas bon. Tu parles d'une jolie culture, toi. Cuisine moléculaire, deux morts. Et un mec qui est trotté, qui a perdu un bras, il peut plus jamais cuisiner de sa vie. C'est vrai que c'est une cuisine épatante, hein. Moi, j'encourage toutes les bonnes femmes à faire de la cuisine moléculaire. Mais à se faire aider par leur mari, si elles veulent avoir un veuvage. Petite remarque sexiste, le jour où la parité entre au Panthéon. Allez, Jean-Pierre Coff, un petit peu de musique moléculaire que pour vous. Ouais, ça aussi, c'est bien la musique. Une vie de Coff, c'est jusqu'à 18h sur France Inter avec Jean-Pierre Coff. Une vie de Coff, c'est paru chez Stock. On va en reparler. Restez avec nous. Tears because our baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up, missed our wheels, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. C'est du rock californien, Smash Mouth, Walking on the Sun. Vous êtes sur France Inter et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Coff, qui publie Une vie de Coff, paru chez Stock. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, André Manoukian, Guillaume Meurice, qui est allé tout à l'heure à la salle des colonnes. Ah, c'est fait du politique, c'est toujours ça. Bien. Mm-hmm. Et Clara Dupont-Mono. Allez, on fait une petite revue de presse. Jean-Pierre Coff, à cette heure-ci, on vous informe. Que de l'information essentielle, hein, bien sûr. Entre deux flashs, c'est l'info. Nous constatons que le fossé s'élargit entre les riches et les pauvres. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. L'info au kilo. Et on commence par le sport et cette info sur la FIFA. Oui, 6 dirigeants de la FIFA ont été arrêtés à Zurich ce matin. Ils devraient être extradés vers les États-Unis. Voilà, ça c'est bien les USA. Ça. Dès qu'ils sont nuls dans un sport, ils essayent de le torpiller autrement. Tant qu'on est aux États-Unis, une information sur Barack Obama. Oui, il a reçu une demande en mariage pour sa fille. Ah bon ? Oui, Malia Obama a 16 ans et elle est courtisée par un Kenyan qui s'est révélé dans le journal Le Nairobian, journal de la capitale. Il propose pour obtenir sa main, donc de la fille de Barack Obama, 50 vaches, 70 moutons et 30 chèvres. On attend la réponse donc de Barack Obama. Ah bon ? Pourquoi vous pensez qu'il pourrait dire oui ? Ah bah je sais pas, mais si aujourd'hui par exemple on proposait à Jean-Marie Le Pen 50 vaches, 70 moutons et 30 chèvres pour sa fille, c'est sûr qu'il la donne, surtout si le type est kényan. Et on l'emmerde. Très bien, retournons en France. Oui, d'après Le Parisien aujourd'hui en France, 6 hommes sont recherchés par la préfecture de police de la Loire. Entre le 7 et le 16 mai, ils ont caressé un bull terrier atteint de la rage, figurez-vous. Ah oui, il y a un cas similaire dans l'Hérault d'ailleurs. Bon, 15 hommes sont susceptibles d'avoir contracté la rage. Entre le 17 et le 20 mai, ils ont été vus en train de serrer la main de Robert Ménard. Passons à une info média. Le Canard enchaîné a relevé une entourloupe dans la presse. Oui, le dernier magazine, Elle, consacre sa couverture et 20 pages à Inès de la Fressange, une femme, je cite, chez qui tout est parfait et dont les yeux pétillent d'intelligence. Ah oui, d'accord. Alors Alex, rappelez-nous qui est le mari d'Inès de la Fressange. Bah, c'est Denis Oliven. Mm-hmm. Et rappelez-nous qui est le patron du magazine Elle. Bah, c'est Denis Oliven. Très bien. Et qui va avoir sa rubrique hebdomadaire dans Elle. Bah, c'est Inès de la Fressange. Oui, mais c'est un avion quand même. Enfin, c'est un petit peu comme quand Le Figaro fait de la pub pour le Rafale de Serge Dassault. Ouais, sauf que Madame Dassault, c'est pas un avion. Oui, voilà. Tant qu'on est dans l'aviation. Bon, l'espace aérien belge a été fermé aujourd'hui. Depuis ce matin, il y a quelques avions qui ont décollé. Mais des dizaines de vols ont été détournés vers les aéroports de pays voisins. La cause, une panne d'électricité au contrôle aérien. Oui, le problème se situe au niveau de la tour de contrôle de Brussels Airport où ce matin, un aiguilleur du ciel a voulu brancher la friteuse en plus du grippin. C'est probablement pas loin de comme ça que ça s'est passé. Et on termine par une terrible nouvelle pour moi. Oui, un Niçois a battu le record du nombre de personnes sur un selfie avec sa perche. Il a mis 2500 personnes sur son selfie perche. Ouais, et rappelons que l'inverse, donc mettre 2500 perches dans une seule personne, ça s'appelle un gangbang. Bienvenue sur France Inter. J'ai envie de la faire. Depuis que Jean-Pierre Coff est passé sur France Inter, il y a aussi quelques grivoiseries, c'est bien normal. Oh, c'est autorisé d'ailleurs. Merci Jean-Pierre. Mais oui, évidemment. Allez, Jean-Pierre Coff est avec nous jusqu'à 18h et on grille l'actualité comme des merguez à une manif de la CGT. Premier sujet avec vous, le CSA est soupçonné d'irrégularité dans la nomination de Delphine Ernotte, la nouvelle présidente de France Télévisions. Disons qu'en ce moment, le CSA cumule les petits ennuis. C'est dommage parce que le gendarme de l'audiovisuel a toujours eu une excellente réputation. Retour en force de l'ordre moral, je veux surtout pas te casser ton moral, mais c'est le bordel, t'entends pas dans leur panel. Je suis formel, il reste formé pour s'éviter que c'est ça. C'est pour ça que j'ai gardé ma tenue de combat, que je lâcherai pas mon combat. Fais gaffe à ton dos, protège tes abdos. Si tu partages de leur vie, ils te feront pas de cadeau. On nous censure parce que notre culture est trop basanée. Nick Taver, Nick le CSA, dans une chanson qui s'appelle « On est encore là », NTM suprême. Alors, est-ce que vous avez déjà eu maille à partir avec le CSA, Jean-Pierre Non, Coff ? Jamais. Jamais, pour une bouteille de pinard débouchée, pour... Pas directement. Faites attention à tout ça, mais ou non, quoi ? Pas du tout. Je suis contre tous ces trucs-là. Je trouve que c'est inutile. Qu'est-ce que vous voulez empêcher des gens de fumer ? Il y en a qui fument, je ne vois pas pourquoi on ne fume pas à l'antenne. Il y a des gens qui boivent à l'antenne, ça c'est quand même incroyable. Il paraît même à France Inter, on a dit. On a beaucoup bu, nous, à France Inter. C'est pas vrai. C'était, c'était une autre époque, quand ça. Oui, il y a déjà 15 ans, mais pendant 10 ans, on buvait régulièrement, tous les samedis. D'ailleurs, nous n'avons jamais été la... Moi, je n'ai jamais été la victime des syndicats, parce qu'après l'émission, les syndicalistes venaient, et ils avaient toujours à boire, et en abondance, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au moment de la diffusion. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez à Mathieu Gallet, là, de gestion syndicale ? Monsieur Gallet fait exactement ce qu'il veut. D'ailleurs, si je lui donne un conseil... C'est bien ce qu'on lui reproche parfois. C'est pas... le problème. Alors, les petits soucis du CSA, c'est notamment, bien sûr, par souci d'indépendance, Olivier Schramek a voulu nommer, par exemple, Mathieu Gallet, notre président. Ça a fait des petits soucis à France Inter. Maintenant, Delphine Ernotte, Bon, il y a quelques soupçons sur sa nomination. Il y a aussi l'affaire de la chaîne numéro 23. Le canal a été offert par l'État, c'était gratuit. Et maintenant, la chaîne pourrait être revendue 80 millions d'euros, ce qui est quand même une jolie plus-value, n'est-ce pas, effectivement. Alors, il y a tous ces petits problèmes. Et Aime le Monde fait un très beau dossier, d'ailleurs, paru ce week-end, et rappelle qu'il s'agit d'un moloch administratif de 280 fonctionnaires et qui coûte 38 millions d'euros, le CSA. Mais moi, j'ai toujours cru que ça ne servait pas à grand-chose, le CSA. Mais il y a quand même 280 fonctionnaires avec 38 millions d'euros. Enfin, donc, ça sert à quelque chose, alors, Jean-Pierre Coff, d'après vous. Ils ont des réunions régulièrement, je crois. Voilà. Ils se réunissent, ils ont tous un chauffeur. Tous les membres ont un chauffeur. Ils sont payés pendant 6 ou 7 ans et les 2 ans suivants. Mais il faut dire qu'après ça, ils n'ont plus le droit de retrouver leur corps d'origine. Donc, par exemple, on sera privé de Françoise Laborde, par exemple. Ah non, à la télévision. On sera privé de Françoise Laborde. Elle ne reviendra pas, Françoise Laborde. Parce que c'était quand même une plus-value pour le journalisme, quand même. Oui, je pense que pour la profession, c'est bien. Quand vous dites qu'ils seront privés de leur corps d'origine, c'est-à-dire qu'ils bouffent tellement, ils grossissent et puis après ils n'arrivent pas. Non, ils ne peuvent pas revenir dans leur métier d'origine. Ah, c'est ça, d'accord. Car Madame Brossolette, normalement, elle pourrait ou elle peut plus, je ne sais pas si elle est encore. Elle était chef du service politique au Point. Oui, c'est fini, elle ne peut pas retourner dans un journal normalement. Voilà. Idem pour ceux qui sortent du Conseil d'État, ils ne peuvent plus y rentrer. En théorie. Ça leur apprendra à aller au CSA aussi, hein, voilà. Conclusion de ce sujet. Oui, non, mais parce que c'est sympathique, le CSA, c'est des visites, ils visitent le monde entier, parce qu'il y a des échanges entre la télé de tel endroit avec la télé d'un autre, tout ça voyage en première classe, et les mice, ça fait pour eux, c'est pas pour les... Vous avez raison. Oui, mais attends, et puis quand ils n'ont pas envie de travailler, il y a 280 fonctionnaires qui leur font des fiches à leur place, donc évidemment, c'est un beau... Oui, je crois qu'ils ne travaillent pas beaucoup. Voilà. Et on embrasse le CSA d'ailleurs, en trinquant à 17h. Buvons à leur santé, Jean-Pierre. On les emmerde pas, mais on boit un coup. Oui. C'est la dernière émission, trinquons à cette dernière émission. On embrasse le CSA. Et André Manoukian, vous aussi, vous voulez faire des bisous au CSA? Ah, moi, j'embrasse qui vous voulez. Faut pas le lui demander. Elle s'appelle Maria Gadou. Elle a été nominée 2 fois aux Latin Grammy Awards. Elle est dans sa 20aine et elle est brésilienne. Et c'est là qu'on voit qu'on a des clichés plein les trous de nez. Quoi? Une chanteuse brésilienne qui ne fait pas de bossa nova, mais c'est pas une brésilienne. C'est quand même un Marseillais qui aime pas la pétanque, c'est pas un Marseillais. Les clichés. Pourtant... Une brésilienne qui n'est pas un homme, déjà, c'est pas une brésilienne. Pourtant, il y a dans cette voix quelque chose qui remonte à plus loin que la bossa nova. Le fado, né dans les tavernes malfaites famé du port de Lisbonne au début du 19e siècle. Fado, du latin fatum, le destin. Un peu de latin par les temps qui courent, hein, ça fait pas de mal. Spécial dédicace tout Najat. Il y a le destin. Valo Balcassé. Najat Valo Balcassé. Attendez, Najat, elle a. Madame la ministre. Elle veut rendre le latin plus accessible à tous les gens. Hein, c'est ce que j'ai compris du truc. On ne sait pas, on le supprime. Elle vous a enfumé. Ouais, c'est ça. Vous avez tant de gloire par les profs. Le destin au sens mektoub du terme. Un peu d'arabe aussi, ça peut faire du bien par les temps qui viennent. C'est écrit, il y a quelque chose de plus grand que l'homme qui le dépasse et contre quoi il ne peut aller. Cette forme de sagesse fataliste, c'est celle des marins. Et les Portugais sont parmi les plus grands marins du monde. N'oublions pas que c'est eux qui ont ouvert la route des Indes. Ils furent les premiers à faire le tour du monde. Et la sagesse fataliste du marin, c'est quoi? C'est qu'il sait bien, quand il part, qu'il a une chance sur deux de revenir. Les Grecs de l'Antiquité s'en remettaient à Poséidon, dieu de la mer et ennemi intime d'Ulysse. Les marins portugais, eux, s'en remettent au destin. Alors avant de s'embarquer, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Ils chantent leur mal-être, leur corvée, leurs rêves gâchés, leurs espoirs, leur tristesse, vous l'avez compris. Le fado, c'est le blues du Portugal, qui est né au 19e siècle. La musique de l'exil ou d'avant l'exil, c'est tout comme. Faisons l'amour avant de nous dire adieu, ça pourrait être un fado. Sauf que le fado, à la base, c'est un chant d'homme, un chant de voyou même, un chant d'aventurier qui se pratique sous forme de battle. Les chanteurs se défient et se répondent en quatrain dans les joutes musicales. Des voyous qui se défient en quatrain, c'était la classe, non? Et petit à petit, les filles de mauvaise vie qui les entourent, les filles du port, elles vont leur répondre. C'est qu'elles en connaissent un rayon sur les avanies de la vie. Et l'une d'entre elles, Severa, prend même le pouvoir. Elle chante si bien que du coup, les hommes ne lui répondent plus et s'assoient maintenant pour l'écouter. Pour écouter celle dans la bouche de laquelle leur vie prend tout leur sens. Oui. Sévéra, la prostituée, donnera ses lettres de noblesse au fado, genre qui sera honoré dorénavant par les femmes. Bien que le Portugal soit au bord de l'Atlantique, on peut considérer que qu'il est de culture méditerranéenne. D'où ma question, pourquoi les voix féminines du pourtour de la Méditerranée ont-elles ce grain particulier, ce grain un brin rauque? Vous voyez la voix grecque de Mélina Mercouri, les voix de gorge des filles des Balkans. On est dans un monde où les micros n'existaient pas, évidemment, il fallait dans le bordel général, c'est le cas de le dire, s'imposer au milieu d'une assemblée joyeuse mais avinée. Au-delà de la Méditerranée, les filles à soldats de Lily Marlène à Patricia Cass ont toutes ce genre de voix aussi. Mais la réponse vient peut-être d'un reportage récent sur le sexisme en politique qui montrait que seule Marine Le Pen échappait à la condescendance des hommes politiques parce que justement, elle avait une voix d'homme. Alors, dans un genre beaucoup plus sympathique, revenons sur notre chanteuse du jour, Maria Gadou. Revenons sur son chant profond et sa voix avec de l'air et des éclats de sanglots contenus. Si le fado au Brésil est devenu la saudade, il exprime la même chose. Un état d'âme, une ambivalence des sentiments, l'expression d'un manque habité, une jouissance de la mélancolie qui est une expression qu'on retrouve chez les Grecs qu'ils appellent le kéfir, le spleen quoi. Et ce qu'il y a de bien chez Maria Gadou, c'est qu'elle réinvente le genre. Elle chante sur sa guitare rock, sur des arrangements minimalistes syncopés à souhait, avec des ruptures et des chocs et des acmés et des accents. Une musique est vivante tant qu'elle reçoit des apports nouveaux. Écoutons le chant formidable de Maria Gadou. C'est la découverte d'André Manoukian. Vous sentez les Yoruba derrière? Parce qu'il y a du Yoruba aussi. Hein. Il y a du fado et du Yoruba. Mais maintenant, on sait déceler le Yoruba. On le sent. Vous ne savez pas le dire, mais vous savez le déceler. Oui, on sent le déceler. Que... Charline, c'est une spécialiste du Yoruba. Vous rigolez, la culture africaine, elle connaît ça par cœur. Sur France Inter, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Coff, qui publie Une vie de Coff. C'est paru chez Stock. Et on y apprend notamment que sur le plateau de Vivement Dimanche, Nicolas Sarkozy vous a demandé de le tutoyer, vous avez refusé. Et bim, deux semaines après, contrôle fiscal. Ah bah bravo Jean-Pierre. Oui, mais vous êtes un inconscient. Non, je me suis senti extrêmement responsable. jusqu'au moment où j'ai eu le contrôle fiscal, où je me suis dit, tiens, c'est plus ma responsabilité, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Et je n'aurais jamais pu imaginer que ce soit lui, parce que je pensais pas qu'on atteigne ce niveau de connerie, quand même, et de méchanceté. Et vous avez confirmation ? Eh bien, les deux personnes qui sont venues faire le contrôle fiscal chez moi, c'était des gens plutôt sympathiques, comme vous, quoi. Je leur ai dit, mais pourquoi vous êtes Jean-Jacques Bismuth, hein, on peut citer leur nom. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené chez moi ? Et la réponse a été, mais vous n'avez pas vu notre patron il y a une quinzaine de jours sur le canapé rouge ? Ah, oui, ah, je dis oui, effectivement, je l'ai vu, c'est ça, il y a une cause à effet, merci monsieur. Voilà. Mais j'ai continué à lui dire merci monsieur, j'ai pas dit merci. Non, non, bien sûr. Merci ma couille. C'est à lire dans votre merci autobiographie, con, Jean-Pierre Coff. Et à vos côtés, il y a Guillaume Meurice, qui lui aussi est sans concession, écoutez-le. Vous n'avez pas de lien de parenté avec Paul ? Non, parce que ça ne s'écrit pas pareil, ça s'écrit CE, comme l'hôtel qui a accueilli les Allemands pendant la guerre. Qui est venu manger chez vous, peut-être dans votre restaurant ? Ah oui, mais je l'adorais, voilà, moi, ça. Il venait manger avec Micheline une andouillette. À la ciboulette ? Oui, une andouillette, c'était son plat préféré. Avec Micheline, manger. J'ai peut-être un lien de parenté. Guillaume Meurice, France Inter. Une andouillette moléculaire ? Bon, alors moi je vais vous parler burn-out aujourd'hui, ou syndrome d'épuisement professionnel. Il peut être dû par exemple à un environnement de travail stressant, angoissant. Par exemple, subir une chronique d'André Manoukian, ça peut être considéré comme une souffrance au travail, ça, sachez-le. De même qu'une pression psychologique de son chef. Je sais qu'Alex vit très mal celle que vous lui mettez, Charline. Oui, c'est vrai. Hein, oui, bon, c'est vrai, il confond YouPorn et lemonde.fr, mais il est dyslexique, Alex. Il faut le prendre en compte, ça. Voilà, c'est une maladie. C'est comme l'épuisement au travail, hein, le fameux donc burn-out, et non pas le burn-out, hein, qui est une catégorie YouPorn, comme vous le savez très bien, Alex. Le burn-out, donc, c'est l'objet d'un amendement déposé par Benoît Hamon à l'Assemblée nationale, où je suis allé ce matin questionner les députés. Alors, je suis d'abord tombé sur Eric Woerth. Alors, moi, je l'aime bien, Eric Woerth. C'est vrai qu'on dirait Al Capone en costume qui habille. Il est touchant. Il est touchant. Et je me suis même inquiété pour sa santé. Bon, et vous, ça va, personnellement, en ce moment ? Oui, ça va. Moi, ça va. Je n'ai pas encore en burn-out, mais... Vous êtes sûr ? Non, ça va, c'est plus... je me soigne. Ah, il va bien, mais il se soigne. On retrouve là toute la rhétorique d'Eric Woerth. Je ne suis pas coupable, mais je m'excuse pour ce que j'ai fait. Non, c'est pas moi qui ai pris l'argent, mais je vais le rendre. Voilà, il est constant, Eric, mais il va pas fort quand même. Comme a priori Yves Durand, député PS du Nord, est-ce qu'il est en situation de futur burn-out ? Comme vous me voyez là, vous voyez que c'est pas le cas. Vous êtes un peu palo quand même. Non, pas vraiment. D'abord parce que on ne quitte pas beaucoup l'hémicycle et que le soleil n'y apparaît que rarement. Alors là, attention, attention Yves, on ne quitte pas beaucoup l'hémicycle, me dit-il. Excellente vanne. Ah, il a cumulé comme ça un métier d'humoriste et de parlementaire. On risque le burn-out. Attention à ça. J'ai également croisé Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques, connu pour son franc-parler. Alors qu'est-ce qu'il en pense de cet amendement ? Je pense que c'est une... ce qu'il faut, c'est le rendre. Ok, bon, il n'a pas l'air d'aller très fort, Jean. Il n'était pas à Jean, là. Enfin, si, il était à Jean, malheureusement pour lui. Enfin, il n'avait pas l'air d'aller fort au premier abord seulement. Parce qu'une fois qu'il est lancé, on ne l'arrête plus. Pour vous épargner la pénibilité de la réponse, je vous ai accéléré le son. Ça ne peut pas avancer comme ça. Donc nous devons mettre au point des outils qui permettent aux entreprises et d'ailleurs à notre société de nous adapter au temps dans lequel nous vivons. Je crois qu'on a les moyens très largement d'y aller. Non, nous n'avions pas porté notre intelligence et nous n'avons pas porté notre analyse sur ce sujet. Je suis sûr que si on va dans ce sens-là, c'est pas forcément un changement de monde, c'est pas forcément. On n'a pas les bons instruments pour permettre justement de notre analyse. Moi, je crois que je vais faire un burn-out parce que vous faites des phrases beaucoup trop longues. Mais voilà. Je peux te faire ça en 2 minutes. Non, non, merci. Tu vas me rien faire du tout en 2 minutes. Mais c'est un endurant, vous savez. Il a traversé la France à pied. Il a fait une grève de la faim. C'est un endurant. Ouais, oui, bah, des records avec les réponses aussi, c'est pareil. Et moi, j'avais pas de temps à perdre. Je suis désolé. Il faut que je sois rentable. C'est ma chef, hein, Charline Van Hoenacker, qui m'a dit ça. Et Lionel Tardy, député UMP de Haute-Savoie, il est d'accord avec ça. Il faut voir aussi dans quel état est notre économie, parce que tout ça derrière, bah, c'est des contraintes supplémentaires. Qu'est-ce qu'on va imposer ? Des entretiens plus réguliers, des visites plus régulières, des contrôles plus réguliers, tout ça, ça a un coût. En plus, le suicide au travail, ça réduit le chômage finalement. Oui, vous êtes pragmatique, oui. Oui. Voilà. Je suis pragmatique, c'est comme ça Lionel. Lionel, je le sentais un petit peu de droite complexée, alors que Bernard Debré, député UMP de Paris, beaucoup moins. Moi, je suis très perplexe parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un burn-out. Ça, c'est parce que vous ne travaillez pas assez. Parce que je travaille beaucoup et certainement beaucoup plus que certains, puisque j'ai député, je fais de la médecine et la chirurgie à Shanghai. Ah bah donc, le burn-out vous guette ? Mais non, il n'y a pas de définition médicale. Je suis médecin. Mais oui, tu es médecin, Bernard, mais à Shanghai. Et la médecine du travail à Shanghai, bah, c'est un peu comme la déontologie à BFM TV ou à l'UMP. Ah, une légende raconte qu'on en aurait aperçu, mais personne n'a encore de preuves. Comme Bernard, qui, lui, n'a pas de preuves de burn-out. J'ai essayé de demander à mes collègues ce que c'était que le burn-out. Il n'y a pas de vraie définition. Bon, alors c'est du chiquet, ceux qui sont épuisés à leur travail ? Il va y avoir une quantité de gens qui vont dire « Ah, moi, je suis épuisé, c'est épouvantable, je suis épuisé. » On va les indemniser. Vous avez quand même une drôle d'image des Français. Vous pensez que les Français vont se mettre directement en arrêt maladie ? Pourquoi vous dites les Français ? Bah, c'est vous qui dites ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir des centaines de personnes ou des milliers de personnes qui vont dire bah, « Tiens, j'ai un burn-out. » Oui, Bernard. Tiens. Des Français vont dire « Tiens, je vais me jeter par la fenêtre. Bah, tiens, je vais avaler de l'essence. Bah, tiens, je vais me taper l'intégrale des chroniques d'André Manoukian. Voilà. C'est des meilleures manières de se foutre en l'air. Bon, je suis désolé, patronne Charline, mais si vous m'obligez encore à aller à l'Assemblée écouter des conneries comme ça, je vous promets que je me mets dès demain en arrêt maladie. Très bien, vous déposerez une ITT, Guillaume Meurice, merci. On est ensemble jusqu'à 18h en compagnie de Jean-Pierre Coff et on fait de la chair à saucisse avec l'actualité. Et le sujet 2, le théâtre dirigé par Charles Berling propose des billets de théâtre suspendus, comme le café à Naples, on en paye un et puis un deuxième pour quelqu'un dans le besoin. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit merci au moins à parrain qui t'emmenait toute la journée. Ouais. Non. Voilà. Non. Pas un merci. C'est malheureux, quand même. J'ai rien entendu. Il y a pas rien. C'est occupé de toi toute la journée. Ça a permis que ça nous a débarrassé, maman et moi. On a pu se donner à d'autres activités. Toi, pas un merci. Rien. Qu'est-ce que t'attends? C'est malheureux, hein. C'est quand même pas compliqué. C'est quand même je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que t'attends? C'est quand même malheureux, hein. C'est malheureux, quand même. Ça me met en boule, moi. Quand je vois ça, comme dit parrain par moment, bon, c'est malheureux, quand même. Merci, parrain. Bon. Faut l'arracher, hein. Faut l'arracher, comme ce ticket suspendu, les des chiens. C'est un article paru aujourd'hui dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Le théâtre Liberté de Toulon a inauguré ce système déductible des impôts. Donc le deuxième billet acheté, qu'on donne à un amateur de théâtre dans le besoin, vous revient à 6,80 €. Comment est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt ? Jean-Pierre Coff, je suis certaine que vous êtes sensible à ça, parce que vous aviez créé, vous, une association. Donc ce côté associatif et ces, oui, enfin, ces moi, idées... J'avais créé une association pour mettre des personnes âgées en vacances, pour s'occuper des enfants. Ça n'avait rien à voir avec ça, mais je trouve ça très bien. Hein. Mais est-ce qu'on pourrait pas tout simplement baisser le prix des places de théâtre pour que les gens puissent y aller, plutôt que de faire l'aumône d'une place de théâtre ? Moi, je trouve que c'est horriblement cher. C'est 40-45 € une place de théâtre, souvent pour aller voir une connerie. Alors, en moyenne, dans le théâtre de Charles Berling à Toulon, c'est à peu près 20 € la place. Oui, non, mais parce que Charles Berling est un type très bien. Faisons une généralité, parce que là, ça se passe. Il n'y a que les pauvres, enfin, les gens toulonnais dans le besoin qui vont pouvoir aller au théâtre. C'est très bien. Mais pourquoi ne pas faire des représentations? Tant qu'à faire, gratuite pour les gens qui n'ont pas de fric. En attendant, ils suppriment les festivals en France, alors c'est pas pour demain. Oui, mais ça va me paraître un théâtre privé, non, Berling ? C'est pas son théâtre à lui. Mais même la place à l'Opéra Bastille, quand vous voulez entendre quelque chose, c'est astronomiquement cher. Ah non, mais c'est scandaleux, vous rigolez ou quoi ? C'est honteux. Mais parce qu'il y a un marché noir qui s'est établi avec les places de théâtre d'opéra. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de place, vous allez sur le parvis, vous négociez. Si vous avez des places au prix que vous voulez, qui sont les vrais prix, ou alors c'est hors de prix. Non, c'est absolument scandaleux, je trouve. C'est pas demain qu'il y aura du ticket suspendu à l'opéra, alors. Ah, ça m'étonnerait, non. Mais comme dans les théâtres publics, c'est moins cher, et la comédie française, il y a encore moyen d'avoir des places, alors certes très très haut, mais à 5 mais ça, euros. Vous voyez plus rien. Vous êtes à la colonne. C'est un produit comme un autre. Hein. Moi, j'ai un ticket suspendu pour Guillaume Meurice pour la place de Bernard-Henri Lévy. Si vous voulez y aller... Voilà, j'aime beaucoup la pièce. Ça marche aussi dans quelques musées, par exemple le musée Jean-Frédéric Oberlin, un musée protestant. 2 entrées à 4 € au lieu de 5. Et les billets sont redistribués via des associations parce que certaines personnes n'osent pas quémander leurs billets. Oui, mais ça, c'est parce qu'en plus, vous avez vu, c'est 2 personnes. On peut être du même sexe parce qu'en même temps, comme c'est un musée protestant, on est béni, on est marié. Les gays peuvent y aller. C'est ça qui est formidable. Vous allez au musée, pas dans une église, et vous êtes marié. Vous sortez de là, vous êtes marié. Vous avez vu que l'église protestante reconnaît le mariage des gays. C'est tout à fait. Et d'ailleurs, quel est l'intérêt d'être marié, Jean-Pierre ? À aucun. Mais voilà, non, mais le mariage à l'église n'est pas un mariage qui compte. C'est un mariage comme ça, c'est pour rigoler. Voilà. Et d'ailleurs, en ce moment, nous avons 4 résistants qui entrent au Panthéon. Ça doit être emblématique du quinquennat de François Hollande. Ça aurait été aussi emblématique de faire entrer un couple gay au Panthéon. Ça aurait été très emblématique du mandat de François Hollande. Ils attendent que je meure. Quitte à le tuer avant, à la limite, pour le faire entrer. Pour panthéoniser Jean-Pierre Coff. Clara Dupont-Monod. Charline Van Hunecker. C'est votre heure. C'est absolument. Ouais. Oui, parce que l'actualité, c'est aussi que la FCPE, donc la très puissante et première fédération des parents d'élèves en France, ce week-end a débarqué son président. Et ça, en 65 années d'existence. Ah, ça, on n'en a pas assez parlé. Voilà, c'est du jamais vu. Non, pas comme ça. La base des parents d'élèves a quand même fichu dehors son président. Il était jugé un peu trop d'accord avec la réforme du collège du gouvernement. En tout cas, c'est ce qui s'appelle une scène de ménage. Et ça tombe très bien parce que la littérature, les scènes de ménage, en général, elle adore. Et justement, un livre vient de sortir qui s'appelle « Scènes de ménage, anthologie », signé Pierre Le Pape, et c'est paru au PUF. Parce que soyons honnêtes, et vous n'allez pas me contredire, Jean-Pierre Coff, mais l'amour au beau fixe, la phase 1, la lune de miel, tout ça, c'est pas très intéressant, en tout cas pour la littérature. Hein. Ça intéresse Vizorek. Bon, enfin, j'aime bien aller au PUF aussi. Je vous remercie. J'aime bien au PUF. Pas le pape. Il a une carte de fidélité pour les PUF. Et alors, la littérature en général, elle préfère les cris, les portes qui claquent, les débordements. Et Pierre Le Pape dit, le ménage ne devient un objet littéraire que lorsqu'il est ébranlé. Voilà. Donc c'est exactement ça. Alors, comment on s'engueule dans les livres ? Eh ben, d'abord, on n'est pas obligé de hurler, contrairement à ce qu'on croit. Par exemple, dans Anna Karénine, de Léon Tolstoï, il y a cette phrase mais magnifique de Anna Karénine qui regarde Vronsky, son amant, et elle serre les poings et elle lâche impérial. Le respect a été inventé pour dissimuler l'absence d'amour. Bon, bah, attendez, ça, on peut même le sortir à son patron. Le respect, ça a été inventé pour dissimuler l'absence d'amour. Sortez-le à votre inspecteur des impôts. Franchement, ça vous pose un homme quand même. Mais ça, c'est la version soft. Ensuite, il y a la version vipère. Et là, il y a La femme et le pantin de Pierre Louis, où la femme s'approche très près de l'homme et elle lui dit « Mathéo, j'ai horreur de toi. Tu serais couvert d'ulcères, d'ordures et de vermine que je n'aurais pas plus de répulsion quand ta peau approche de ma peau. » Bon. Ça, c'est gentil. Voilà, ça, c'est un vrai. Ça, c'est gentil. Plaisir, ça, on m'a déjà dit des trucs comme ça. Oui, ça ne m'étonne qu'à moitié. Et version franchement sauvage. Alors, franchement sauvage, c'est Médée de Ripide qui en veut tellement à Jason qu'elle décapite leurs 2 enfants en disant « J'ai fait ce que je devais, rendre coup sur coup. » Voilà, à la Trierweiler. Vous voyez, il y a quand même du panache. Donc, mais ça ne se fait pas. Hein. Rappelons quand même aux auditeurs que ce n'est pas légal. Mais oui, mais c'est, la scène de ménage, elle est sanguinaire. Et Pierre Le Pape écrit « La scène de ménage canalise et concentre les maladies de l'organisme matrimonial. Mensonges, adultères, haine secrète, usure. » C'est pour ça aussi qu'on en rit. C'est que d'abord, le théâtre médiéval, dans un premier temps, et ensuite le théâtre de boulevard avec le vaudeville, ils ont quand même eu le génie de dédramatiser cet étalage sordide. Pierre Le Pape écrit « On fait du guet avec le deuil des illusions perdues ». C'est une belle formule et c'est exactement ça. Si la pièce de Georges Feydeau, qui s'appelle « Mais ne te promène donc pas toute nue », si elle est encore largement jouée aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on rit de ce qui fait normalement pleurer. Et ça, c'est intemporel. Et c'est aussi pour le titre. Ah mais attendez, il se trouve qu'en plus, mais oui, et en plus, il se trouve que cette pièce, elle est vraiment drôle. Moi, elle me fait rire. Elle met en scène un homme politique très médiocre, qui s'appelle Ventroux. Alors, rien que ce nom-là, Ventroux, j'adore. Et il n'arrête pas de se friter avec sa femme. Et ça rappelle, en fait, quand on lit un petit peu la crise père-fille au FN. Et il se trouve qu'en plus, Ventroux est très fier parce qu'il est nommé ministre de la Marine. Et sa femme lui dit, ministre de la Marine, tu ne sais même pas nager. Voilà, c'est, et on retrouve un peu des passerelles avec notre actualité politique. Et en plus, ensuite, ça dégénère parce que sa femme lui reproche d'avoir sucé le cou d'une prénommée Mademoiselle Dieu M'amour. Et moi, Mademoiselle Dieu M'amour, qui fait tourner la tête de Ventroux, rien que l'intitulé avec les noms, si vous voulez, moi, j'adore. Comment faire pour c'est ça coup. Non, c'est ça, Jacques Ventroux. Alors, parce que oui, la jalousie est le carburant d'une bonne scène de ménage. Sinon, elle cale. Alors, il faut bien reconnaître que la scène de jalousie, en général, elle est très inégale. Parce que d'un côté, vous avez un qui souffre et qui explose. Et de l'autre côté, vous avez celui qui tempère, qui nie mollement ou qui se tait. Je ne vous apprends rien, André Manoukian. Là, c'est du vécu. Et c'est comme ça que dans Othello de Shakespeare, la pauvre Desdémone, elle assiste impuissante à la fureur de plus en plus dingue de son mari, donc Othello, qui va très fort et qui dit « Ah bah putain !» Il parle de sa femme. Hein. Et puis ensuite, il dit « Tu dois mourir !» Et il le fait. Et il l'étouffe tout en précisant l'acte est en cours, il n'y a pas de pause. Ce qui est quand même gentil de prévenir, hein, vous noterez, attendez, c'est quand même génial. Mais c'est Shakespeare, hein. Alors, soyons honnêtes, on peut aussi gentiment mettre le conjoint dehors, hein, comme l'a fait la FCPE ce week-end dernier, ou comme le fait l'héroïne d'un livre qui est très beau qui s'appelle Elle et lui de George Sand, où elle règle ses comptes avec Musset. Et dans ce livre-là, Thérèse montre la porte en disant laissons passer le temps nécessaire pour que tout soit oublié, ce qui est quand même plus élégant que dégage crevure, il faut bien le reconnaître. Oui, c'est vrai. Je vous redonne les références. Scène de ménage, une anthologie de Pierre Lepape, c'est paru au PUF. Merci Clara Dupont-Monod. Et moi je vous redonne les références du livre de Jean-Pierre Coff, oui. Une vie de Coff, paru chez Stock. Tout ça vous pouvez le retrouver sur franceinter.fr, sur la page de notre émission. Avec vous Jean-Pierre Coff, le troisième sujet, la ville de Nice a trouvé le moyen de profiter de l'affluence à Cannes. Elle a fait entrer les croûtes de Sylvester Stallone au musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice, le MAMAC. Stallone qui a pourtant été à bonne école. Bravo! Regardez comme le corps féminin peut devenir un formidable champ d'investigation pour l'art pictural. Bien, joli. Vous mettez du noir pour creuser. Creuse-toi, mon garçon, creuse. Bien, le jaune, bien. C'est très bien. C'est mou, là, c'est mou. Oui. Mais non. Sale, nul. Deux. La peinture sur corps, dans les bronzés, bien sûr. Alors, à propos de Stallone au MAMAC, les Inrocks. J'essaye de regarder, j'arrive pas à décrire. C'est un peu pop art. Mais écoutez, les Inrocks, qui sont parus ce matin, ont décrit la peinture de Sylvester Stallone. Stallone vomit une tambouille au teintre saumâtre. Pour ceux qui auront envie d'aller au MAMAC. Est-ce que c'est pas un peu facile quand même? Parce qu'après tout, qu'est-ce qui est le plus choquant? Alors, attendez, justement, le personnel du musée était contre. Apparemment, Christian Estrosi, maire de Nice, aurait un peu forcé la main pour, évidemment, faire venir les gens qui n'étaient pas loin à Cannes. Alors, Jean-Pierre Coff, après, Clara Dupont-Monod réagira, mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que le fait que cette peinture se vende, parce qu'elle se vend quand même, il en vend, est-ce que c'est une raison pour qu'on considère que c'est une croûte? C'est l'avis des gens d'un rock. Je partage pas toujours leur avis sur tout ce qu'ils font, mais... Pourquoi systématiquement attaquer un type qui essaie de faire autre chose que ses conneries au cinéma? Je sais pas, moi, je... Alors attendez, le gars, il fait des conneries au cinéma et en plus, il fait des croûtes, vous lui mettez une deuxième couche, là. Non, mais il fait des conneries au cinéma, il fait des merdes. Non, c'est pas ça. Il est tellement musclé, pareil. Est-ce qu'il ne trouve pas la toile? Non, mais attendez, d'abord, Rambo, c'est pas forcément... Rocky 1, c'est pas... surtout. Non, mais c'est très bien, Rocky 1, d'abord, et ensuite... Un langage que vous. Voilà. Jean-Jacques Goldman et Rocky 1. Qu'est-ce qui est le plus choquant? Est-ce que moi je suis d'accord avec Jean-Pierre Coff. Est-ce que c'est le plus choquant, c'est que Sylvester Stallone tente quelque chose, bon, même si c'est pas abouti évidemment, mais c'est ça qui est le plus choquant, ou alors que d'autres grands pontes de l'art contemporain vendent des milliards, des faux excréments ou des vrais parfois, ou des vrais excréments, mais de là à être exposé au musée d'art moderne et contemporain de Nice, qui est quand même un musée majeur dans la région, qui est quand même mais Versailles aussi, Versailles aussi, oui, mais un grand musée, on met des homards en plastique. Est-ce que ça la fout pas un peu mal pour la réputation du musée? Alors, parce que s'il y a Jim Carrey, Julien Binoche, Johnny Depp, ils peignent, George Bush, Poutine ou pas le Sarkozy, alors là, on s'en sort plus, n'est-ce pas? Mais Hitler a peint aussi, Churchill aussi. On aurait préféré qu'il continue à peindre, d'ailleurs. C'est possible, mais... C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il soit exposé. Ça me choque pas. Ce que je voudrais savoir, c'est dans quelles conditions est-ce que M. Estrosi a demandé à Stallone de venir. Si c'est une opération purement médiatique, je la condamne, ou en tout cas, je suis pas tout à fait d'accord, mais s'il y a eu un collège de gens tout à fait responsables en matière de jugement... Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'a pas l'air d'être le cas, auquel cas, c'est M. Estrosi. Estrosi. Si ma langue a malheureusement fourché, je dis Estrosi. Mais oui. Mais en même temps, ça amène des gens au musée, ça se trouve, ils vont aller voir d'autres trucs. Et surtout, ça amène un selfie de Christian Estrosi avec Sylvester Stallone, et ça fait du bien à la ville de Nice. Jean-Pierre Coff, à cette heure-ci sur France Inter, c'est l'heure du sketch, attention. C'est l'heure du sketch, et aujourd'hui, évidemment, c'est la grande entrée au Panthéon de quatre résistants, deux hommes et deux femmes. François Hollande a absolument tenu à laisser comme image de son choix la résistance et la parité. Mais est-ce que ces deux valeurs vont bien ensemble? La parité dans la résistance, qu'est-ce que c'était? On se retrouve en 43 dans la cave d'un groupe très influent de résistants. Bon, les gars, il faut qu'on agisse. Oui, alors attends, pardon. Excuse-moi, Henriette. Bon, les gars et les gattes, il faut qu'on agisse. Ah, voilà, bon, qu'est-ce que tu proposes? Bon, on fait sauter les rails à la sortie du maquis, le train passe à la demi. Excellent. Voilà, très bien, on y va. On en met deux de chaque côté. Toi, Lucien, tu pars avec Henriette. Oui. Et moi, j'appelle Séraphin et on vous rejoint avec la dynamite. T'appelles qui, Max? Séraphin, c'est le nom de code. De qui? Bah, je peux pas te le dire. Ouais, si. Non, mais de qui? De Raymond. Voilà. Ah, bah alors, j'en suis pas, moi. Pourquoi? Non, on est trois et il y a qu'une femme. Oh là là, oui, mais on est pressé. Le train passe à la demi et ça va considérablement ralentir les moches. Non, c'est non s'il n'y a pas la parité. Ah bah, s'il n'y a pas parité, tu fais quoi? Bah, j'appelle Papon et je vous balance. Très bien. Trouve-nous une fille dans le secteur. Bah, à côté, il y a Benoît. Je peux lui demander, Benoît. Allez, alors, Benoît, si on l'habille en femme et qu'on l'appelle Benoît, tu marches? Ouais. Bah, c'est ça. Il y a la Libération et il travaillera chez Michou. Bien dans la zone, quelqu'un dont le nom de code est Frédéric. Attends, Frédéric, t'es sûr que c'est une femme? Il y a une chance sur deux au moins. C'est trop peu. Ah, bon sang, c'est pas de ma faute si la résistance c'est un truc de mec. De toute façon, dès qu'il faut se planquer, là évidemment, il y a plus que des mecs. Hein, ça c'est. Et voilà, bien joué Lucien. Moi, mais quoi? Écoute, si tu m'avais laissé y aller seul avec Max, il y aurait eu la parité et on l'aurait fait sauter le train. Voilà. Je m'en fous, j'appelle Papon. La parité dans la résistance, c'était pas forcément une bonne idée, mais la parité au Panthéon, c'est une meilleure idée, n'est-ce pas, Jean? J'en ai vu un qui dormait pendant la cérémonie. Ouais. Oui. Oh, parce que vous n'en avez vu qu'un, mais à mon avis, Jean-Pierre Coff a eu l'œil rivé de temps en temps sur l'écran, et en effet, il les a repérés. Merci beaucoup, Jean-Pierre Coff. Merci à vous. D'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir encanaillé France Inter de 17h à 18h. Je rappelle votre ouvrage Une vie de Coff, c'est votre autobiographie parue chez Stock. On en apprend de bien belles sur vous parce que vous avez une vie foisonnante. Demain, on va se retrouver avec Audrey Lamy, si je ne me trompe, les amis. Tout à fait, vous avez carrément raison. Merci André Manoukian, Guillaume Meurice, Clara Dupont-Mono, Alex Vizorek. Et une nouvelle fois, merci Jean-Pierre Coff. Le mot de la fin, ben pour vous, tiens, Jean-Pierre, je vous appelle Jean-Pierre. Qu'avez-vous pensé de cette émission? Oui. Oui, mais non. Sale, nul, deux.